opératrice chez SFR. Surveiller, minuter, bousculer, peut mieux faire. Elle est à bout de nerfs et un jour au boulot, elle a vaguement caché ses croûtes sur son bureau. Il travaillait pour Arcelor, c'est là qu'il a trouvé la mort. Épuisé après avoir bossé 21 heures d'affilée, il avait 32 ans et son cœur a lâché. Le travail, c'est la mort, tu crèveras au boulot. Que tu sois ou non d'accord, l'esclavage moderne n'aura pas beau. C'est la mort, il travaillait en intérim, rêvait d'un CDI corvéable à merci. Même si on l'appelait au milieu de la nuit, son cœur a lâché à lui aussi. Maintenant c'est un légume comme un végétatif et un petit calembour administratif. À vous le cœur, sa femme reçoit le par courrier pour son mari un CDI à signer. Le travail, c'est la mort, tu crèveras au boulot. Que tu sois ou non d'accord, l'esclavage moderne aura ta peau. C'est la mort, c'est la mort. Tu crèveras au boulot, que tu sois ou non d'accord, l'esclavage moderne aura ta peau. C'est la mort, c'est la mort. Elle est opératrice chez SFR, surveiller, minuter, bousculer peut mieux faire. Elle est à bout de nerfs et un jour au boulot, elle avait des cachets, ses croûtes sur son bureau. Travaillait pour Arcelor, c'est là qu'il a trouvé la mort. Et puis et après avoir bossé 21 heures d'affilée, il avait 32 ans et son cœur a lâché. Le travail, c'est la mort, tu crèveras au boulot. Que tu sois ou non d'accord, l'esclavage moderne aura ta peau. C'est la mort, c'est la mort. Il travaillait en intérim, rêvait d'un CDI corvéable à merci. Même si on l'appelait au milieu de la nuit, son cœur a lâché à lui aussi. Maintenant c'est un légume comme un végétatif et un petit calembour administratif. A vous le cas, sa femme reçoit par courrier pour son mari un CDI à signer. Ah, le travail, c'est la mort, tu crèveras au boulot. Que tu sois ou non d'accord, l'esclavage moderne aura ta peau. C'est la mort, c'est la mort. Le travail, c'est la mort, le travail. Que tu sois ou non d'accord.